Chapitre 207. L'autorisation d'accomplir la prière du Doha du lever du soleil jusqu'au moment de son déclin lorsqu'il quitte son zénith, bien qu'il soit préférable de l'accomplir au moment le plus chaud de la matinée, quand le soleil est bien haut. 1143. Zayd ibn Arqam, rapporte avoir vu des gens accomplir la prière du Doha en début de matinée et avoir dit « Ne savent-ils pas que cette prière est meilleure à un autre moment ?» Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a en effet dit « La prière des pénitents s'accomplit au moment où les jeunes chameaux ressentent le plus la chaleur. » Muslim. 1144.